Ulysse Fourrien. À travers les vieux, les spasmes et le vent, un faisceau sanguin, Ulysse. Contrôler au pieu les beiges, peau de viande, c'est pour prendre le bus, Ulysse. Ulysse Fourrien, et c'est un bien gros crétin. Ulysse Fourrien, il brûle pour son festin. Salut tes bras, dodo, allô maman, bobo, crabeau du lit, c'était les craques fils. Qui encore dans le berceau, et je fus bébé d'eau avec tes bis, et les craques et Ulysse. Ulysse Fourrien, Ulysse Fourrien. Car pour Télécrac, Thémis et Nono, il lui faut rouiller Ulysse. Ulysse 31 va prendre ton seau, ta pelle et ta tente, Ulysse. Ulysse Fourrien, et c'est un bien gros crétin. Ulysse Fourrien, il brûle pour son festin. Salut tes bras, dodo, allô maman, bobo, crabeau du lit, c'était les craquons fils. Qui encore dans le berceau, et je fume des bédos avec des bis, et les craquons et Ulysse. Ulysse Fourrien, Ulysse Fourrien. Ulysse Fourrien, il brûle pour son festin. Salut tes bras, dodo, allô maman, bobo, crabeau du lit, c'était les craquons fils. Qui encore dans le berceau, et je fume des bédos avec des bis, et les craquons et Ulysse. Ulysse Fourrien, Ulysse Fourrien. Nous ne voyons pas d'autre explication.